Pure Tracks. Pour le Fuse et les Fuse Files, vous écoutez un DJ set de Tama Sumo, la berlinoise. Rex. We'll be right back. Vous écoutez un DJ set de Tama Sumo, la berlinoise résidente au Bergen à Berlin. C'est pour Pure Trax et les Fuse ainsi que les Fuse Files. tracks. Tous les vendredis et samedis soirs sur Pure FM. Purex. Vous écoutez Pure Tracks.